بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في سورة الكهف في المسألة 107 بعد 100 107 مسألة في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا أيوة ولن تفلحوا إذن أبدا. Dans la parole d'Allah Azzawajal, dans le sens où il dit, à propos des gens de la caverne, qu'il dit que si jamais ils vous trouvent, ils vont soit vous lapider, ou soit vous faire retourner dans leur religion, et donc vous ne réussirez jamais. À propos des trois qui s'étaient isolés des mouchriquins, avec leurs chiens. Verset 20. Qala rahimahullah ta'ala. Hadhihi al-ayatu tadullu bi dhahiriha ala anna المكره على الكفر لا يفلح أبدا وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ويقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. Donc ce noble verset dans son apparent nous laisse entendre que le mukrah, celui qui est contraint, est forcé de faire une chose, sur le kufr, sur la mécréance, sur le force à faire du kufr, qui ne réussira jamais. C'est-à-dire que cette contrainte, le force à faire du kufr, et que ce kufr sera la cause de sa perte. Et d'autres versets sont venus pour montrer le contraire, que celui qui est contraint de faire du kufr est excusé si aimé son cœur est empli de foi. Comme dans la parole, dans le sens où Allah dit, hormis celui qui a été contraint alors que son cœur est plein de iman. Mais cependant, celui qui aura fait du kufr volontairement, c'est-à-dire celui qui aura le châtiment. Surat al-Nahl, les abeilles, verset 106. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجواب عن هذا من وجهين. On va répondre à cela de deux façons, avec deux réponses. الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة فهو داخل في قوله تعالى ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Donc maintenant le fait que le mukrah est pardonné, d'accord, que le mukrah est pardonné et que le kalem est levé, qui n'est pas pris pour ce qu'il aura fait, cela est parmi les spécificités de cette Ummah, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque dans le sens Allah dit, en parlant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur ôte le fardeau et le joug qui étaient sur eux. En surat Al-A'raf, verset 157. Et là, par le sens de le joug qui était sur eux, c'est-à-dire le fardeau, c'est-à-dire le fait de ne pouvoir ne pas avoir le droit d'être contraint dans une chose mutlaqan. قال ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Également dans le fameux hadith selon Abbas radi Allahu anhu, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Allah m'a accordé pour moi le pardon de ma communauté dans l'erreur, c'est-à-dire faite involontairement, dans l'oubli, et dans ce quoi ils sont contraints. Ce hadith démontre que l'ikrah, la contrainte, est excusée. L'oubli également et l'erreur involontaire. فَوَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى خُصُوصِهِ بِأُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc là, ce hadith montre que cela est parmi les choses qui sont spécifiques à cette Ummah. Car il a bien dit que Allah, quand même, a accordé cela, c'est-à-dire m'a accordé cela à moi, Mohammed, pour ma communauté. Ce qui laisse entendre que les communautés antérieures n'ont pas le droit à ce privilège. قال والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا لقبول. Même si ce hadith des imams comme l'imam Ahmed et Abu Hatim l'ont trouvé des défaillances dans la chaîne de narration, ce hadith a été accepté soit auparavant jusqu'à aujourd'hui par les ulémas par acceptation, et cela car il y a d'autres preuves qui appuient son sens. قال ومن أصرح الأدلة على في أن من قال من قبلنا ليس له عذر بالإكراه حديث طارق بن الشهاب في الذي دخل النار في الذباب وقربه لصنم مع أنه قربه يتخلص من شر عبرة الصنم وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه. parmi les preuves les plus claires que les gens des communautés antérieures n'avaient pas le droit d'être contraints, mais de ne pas faire de kouf dans l'absolu, le fameux hadith de Tariq ibn Shihab, dans lequel est cité cet homme qui était rentré au feu pour avoir égorgé une mouche pour que les idolâtres laissent passer. Alors que son ami, son compagnon, lui, a refusé d'égorger cette mouche et qu'il a été tué. Donc si jamais il avait été permis, dans la contrainte, de faire du kouf pour préserver sa vie alors que son cœur était plein de foi, il n'aurait pas refusé. Et s'il ne l'avait pas fait, s'il l'avait fait plutôt, il n'aurait pas été, parmi les gens du feu. Mais il a refusé de le faire, et pour cela, les gens l'ont tué. Et il est rentré au Jannah. Et l'autre, lui, a tué cette mouche. D'accord ? A tué cette mouche, et cela lui a valu de quoi ? De rentrer au feu. Et certains ulama disent qu'en fait, dans son cœur, il a tué cette mouche, takarruban. Mais ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. قال فعلم انه لم لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه ولا اكراه اكبر من خوف القتل مع هذا دخل النار ولم ينفعوا الاكراه. Donc on a su par ce hadith que si jamais il n'avait pas fait, il l'aurait tué comme il aurait tué son ami. Et il n'y a pas de contrainte plus grande que celle de la peur de la mort, de se faire tuer. Et pourtant, malgré cela, il est entré au feu et que la contrainte ne lui servait à rien. وظواهر الآية تدل على ذلك. قالوا تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه لأن قوله يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم أو في ملتهم صريح في الإكراه. Donc, et l'apparent du verset démontre clairement qu'il n'y a pas d'ikrah, car il dit bien que vous ne réussirez jamais par la suite, si jamais vous rentrez dans leur communauté, malgré la contrainte. Car ils ont dit quoi ? Soit vous rentrez dans la contrainte, ou soit vous serez lapidé. Donc le fait d'être lapidé et d'échapper à la lapidation et de faire croire qu'on rentre dans la umma des mouchriquines pour être préservé, le verset dit bien qu'ils ne réussiront jamais. Donc même la peur de la mort ne suffirait pas. Donc cela démontre que la contrainte n'était pas acceptée chez eux. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مع أنه تعالى قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل. Et dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, oh notre Seigneur, ne nous reprend pas ce que nous avons oublié, ce que nous avons fait indélibérément. Dans le hadith, lorsque le verset est descendu, Allah Azzawajal a dit à ceux qui ont dit cette parole-là, quand fait, c'est-à-dire je l'ai déjà fait, c'est-à-dire je vous ai déjà pardonné, que cela ne vous sera pas compté, comme cela est dans le hadith, dans Sahih Muslim. Donc ce verset, avec son explication, démontre que ceux d'avant nous, eux, n'ont pas eu le droit à ce privilège, que ce qu'ils faisaient leur était compté. وقوله تعالى ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي مع قوله وعصى آدم ربه فغوى. Il dit dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit que nous avons certes pris auparavant un engagement avec Adam, mais il a oublié. Surat Torah, verset 115. Et par la suite, il dit dans la même surat que Adam a désobéi à son Seigneur. Que Adam a désobéi à son Seigneur. Donc là, on a quoi ? L'oubli, et malgré cela, Allah Azza wa Jal a affirmé que Adam a désobéi. قال فأسند إليه النسيان والعصيان معا يدل على ذلك أيضا على قول بأن المراد بالنسيان الترك فلا دليل في الآية. Donc que Allah Azza wa Jal ici a attribué l'oubli et également la désobéissance à Adam. Et ce qui montre que là le sens voulu par l'oubli, c'est le délaissement. Donc ce verset là n'est pas un dalil pour dire que les gens d'avant, l'erreur ou l'oubli leur était pardonné. Car le sens de l'oubli ici, c'est le sens de délaisser. Que Adam, alayhi salam, sur cette masse Allah qui était par rapport à l'arbre, il savait et désobéit. Wa qawluhu rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ma'a qawlihi kama hamaltu 'ala allazina min qablina. Justement, dans le sens où Allah dit, « Oh, notre Seigneur, ne nous reprends pas pour ce que nous avons oublié ou ce que nous avons commis par erreur. » Surat Al-Baqarah, verset 286, que dans le même verset par la suite, qu'est-ce qu'il est dit ? Comme tu l'as fait endurer, ou comme tu l'as prescrit à ceux qui étaient avant nous. Dans le même verset. Ce qui prouve que ceux d'avant n'avaient pas droit à la contrainte. Qala wa yasta'nisu li hadha ma bima dhakarahu al-Baghawi fi tafsirih 'an al-kalbi mi anna al-mu'akhadhat bin-nisyan kanat min al-isri 'ala man qablana wa kana 'iqabuhu aw kana 'iqabuha yu'ajjalu laha fi ad-dunya fayuharram 'alayhim ba'd at-tayyibat. Et parmi les choses qui également apaisent le cœur par rapport à ce qu'on a, c'est ce que le Baraoui a cité dans son tafsir, selon le Kalbi, que le fait de reprendre les croyants par l'oubli, cela a justement été parmi les jougs de des communautés qui étaient avant nous, antécédentes. Et que la punition de cet oubli était que leur châtiment leur était attribué en ce bas monde et pas dans l'au-delà. Par le fait qu'on leur interdisait les choses qui étaient bonnes. Comme ce fut le cas des Bani Israël. Que leur punition, c'était que Allah Azza wa Jal leur interdisait les choses qui leur étaient permises à la base. Wa qala ba'd al-ulama inna al-ikrah 'udhrun liman qablana wa 'alayhi al-jawab wa huwa. Et certains ulama, ils ont dit que l'ikrah également était une chose qui était acceptée chez les communautés antérieures. Donc, selon ce qu'on a, il va donner la deuxième réponse. Si on se base sur le fait que l'ikrah, dans les communautés antérieures, également est accepté, donc il y a une autre réponse par rapport au verset. Qui est Al-Wajhu Thani, Anna l'ikrah ala al-kufri, kod yakunu sababan l'istidraj, al-shaytan, l'istihsanihi, wa l'istimra alayhi. Kama yufhamu min mafhum kawalihi ta'ala, wa kolbuhu mutma'innun bil-iman. Wa ila hadha al-wajh. جنح صاحب روح المعاني والاول اظهر عندي واوضح والله تعالى اعلم. Donc c'est dit quoi, que la contrainte justement de faire du kufr peut être une cause qui amène à ce que la personne perdure et s'enfonce encore plus, et que Shaitan lui montre cela, la chose comme étant bonne, que Shaitan lui enjolive ce kufr au fur et à mesure par la suite, donc il persiste dessus. Après, par la suite, sans contrainte, il finira par perdurer dessus. Comme le prouve la parole dans le sens où Allah dit, alors que son cœur est plein de foi. Surat al-Nahl, verset 106. C'est-à-dire que cette contrainte, elle est comment ? Elle n'est pas prise en compte pour celui dont le cœur est plein de foi. Mais selon certains ulama, le fait d'être contraint de faire du kufr, cela peut amener à ce que Shaitan t'enjolive la chose et que tu persistes par la suite. Et c'est ça qu'il veut dire par là, par le verset de la Sourate Al-Kahf. C'est-à-dire qu'après, vous allez entrer dans leur communauté et cela va rentrer dans votre cœur et vous allez finir par la suite par devenir comme. Par finir dès l'heure. Adawa, yani, Murad Kalami. C'est ça qu'il veut dire par là. Malgré cela, l'auteur voit que la première réponse est plus claire pour lui. Le fait que l'ikrah, la contrainte, n'était pas permise pour les communautés antérieures. C'est la réponse de l'auteur, Rahimahullah Ta'ala. Wa bi al-qad naktafi, wa alhamdulillah rabbil alamin.